Psaume 111. Louez l'Éternel. Aleph, je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, Bet, dans la compagnie des hommes droits, et dans l'assemblée. Gimel, les œuvres de l'Éternel sont grandes, Dalet, elles sont recherchées de tous ceux qui prennent plaisir. I, son œuvre n'est que majesté et magnificence, Vau, et sa justice demeure à perpétuité. Zayin, il a rendu ses merveilles mémorables, Et, l'Éternel est miséricordieux et pitoyable. Tet, il a donné à vivre à ceux qui le craignent, Jo, il s'est souvenu à toujours de son alliance. Kaf, il a manifesté à son peuple la force de ses œuvres, la Med, en leur donnant l'héritage des nations. Même, les œuvres de ses mains ne sont que vérité et équité, Nain, tous ses commandements sont véritables. Sa mèche, appuyée à perpétuité et à toujours, à jeun, étant fait avec fidélité et droiture. Pe, il a envoyé la rédemption à son peuple, Sed, il lui a donné une alliance éternelle, Kof, son nom est saint et terrible. Resh, ce qu'il y a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, saint, tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit, sont bien sages, Tô, sa louange demeure à perpétuité.